crise. La vie de couple est une chose étrange. L'entité particulière qu'avec le temps, deux êtres constituent, n'est logique qu'à l'intérieur même du tandem. Si à moi ou simple colocataire, amoureux ou ennemi juré, même sexe, trio, différence d'âge, tout ou presque s'irrationalise vu de l'extérieur. Paraît tenir de l'incongruité ou de l'ennui, de la convenance ridicule ou du mauvais goût, de l'absurdité ou de l'abjection. Les amants fusionnels ont ceci de particulier que la blessure de l'un fait mal à l'autre, d'égale façon. Les âmes ne sont pas seules à s'amalgamer, il y a les corps aussi. Les deux souffrent ce matin. J'ai mal à notre couple. Le dos courbé devant un chocolat au lait qu'elle ne cesse de mélanger en faisant du bruit avec sa cuillère, ma jumelle de cœur laisse flotter son regard dans le vague. Ses paupières sont rouges, le dessous de ses yeux un peu bleu. Je suis cerné. Je crois que ton cacao s'est dissous, Malila. Je m'ennuie, Miloche. Je sais. Pourquoi? Je veux voir des gens. Mais tu vois des gens quand tu n'es pas chez moi. Je veux voir des gens avec toi. Mais Lila, on voit souvent Lolek et Danka, et Aimé aussi. Je veux en voir d'autres. J'ai envie de voir l'épicier avec toi. Le serveur dans un café, la caissière au supermarché, la dame qui vend les tickets au cinéma, des voyageurs dans l'avion. Je veux nous voir dans le train. Je veux qu'on rencontre des passants quand on se promène en vélo, des ouvriers qui vont travailler à la carrière. Je veux que tu rencontres ma colocataire, mes amis. Mais les gens sont agressifs, Lila, tu le sais. Ils te regardent dans les yeux, ils te tutoient, ils essaient... Je suis fatigué, Miloche. Je vais aller me reposer quelques jours chez moi. Et puis il faut que je travaille un peu. Je crois que toi aussi t'as du boulot à la maison. C'est le chantier ici. C'est donc aujourd'hui que tu t'en vas pour toujours? T'inquiète pas. Réfléchis à tout ce qu'on a dit. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Des mois que je réfléchis. Dès que le silence se fait, je pense. Je pense à nous. Je pense encore et encore à mon faible talent de vie. Je tourne en rond. Et à force de tourner sur moi-même, je sens bien que tu t'éloignes. Mais je ne sais pas arrêter le mouvement. Un mécanisme s'est bloqué il y a très longtemps. Reste avec moi, Lila. Répare-moi. Lila me regarde d'un air fatigué. Je remarque les petites rides au coin de ses yeux quand elle vient m'embrasser sur le front. Je sais que j'en suis la cause, et ça me glace. Elle rassemble ses maigres affaires, puis s'en va sur son vélo un tantinet grinçant, un peu à plat, comme nous. Aussitôt, plutôt que de me laisser aller à de la déprime, je décide avec autorité de tout mettre en ordre. Après quelques tours sur moi-même, quelques voyages dans le parc à vélo, quelques coups d'œil dans le jardin, quelques hésitations, quelques gestes à peine ébauchés, je choisis de ne rien faire. Pas même la vaisselle. Au comble de la morosité, je me cale les fesses dans le fauteuil pour réfléchir à notre conversation. Mes pensées vont et viennent, tournent en boucle, se mordent la queue, se repeignent mutuellement dans des tons de noir, laissant des flaques dégoulinantes partout sur leur route. Je repense au roman qui m'a tant marqué. Alors j'en comprends soudain la fin. Vendredi ne s'est pas fait avoir par les marins, loin de là, et je maudis mon interprétation de colonialiste. Il s'est embarqué de son plein gré. Trop habitué à la société des hommes, brûlant de rencontrer d'autres gens, il a préféré l'esclavage à la compagnie exclusive d'un Robinson gras d'ennui, se plaisant à régner seul sur son petit monde étriqué, jugeant sans trêve son compagnon de solitude. Oui, mais tout ça c'est du roman. Comment agir, bon sang? Je définis clairement mes buts, suite à quoi je marque dans mon cahier, en lettres capitales qui transpercent presque la page, « Je veux rester avec Lila ». Je n'ai qu'un objectif. Aucun autre ne le concurrence. Rien ne doit le parasiter. À la lumière de cette unique motivation, j'échafaude un plan. Je file le soir même glisser un mot sous le rideau métallique d'Aimé. Deux jours plus tard, je me rends nuitamment chez mon papa adoptif. En échange de ses trouvailles, je lui amène un carton rempli de petits poussins pas très vieux, d'œufs et de mes dernières courgettes. J'ai épuisé mes réserves, mais cela en vaut la peine. Aimé me trouve les traits tirés, je fais pourtant tout pour cacher ma détresse. Je lui assure que je me porte comme un charme, en prenant un air décontracté. Il me demande des nouvelles de Lila. « Elle va bien, elle aussi, lui dis-je en le regardant bien en face, dans les chaussures. »« se contente-t-il d'ajouter. Nous convenons que le mois prochain, je viendrai lui donner un coup de main à l'atelier. Il va me cuisiner, le coquin, je le devine sans peine. En attendant, la croûte terrestre qui n'a désormais plus de secret pour moi se fend d'une nouvelle galerie. Elle m'ouvre grand ses entrailles, m'autorise tous les chemins. Je suis vraiment chez moi en dessous du monde. Je me faufile entre les roches dures, je pulvérise les calcaires, la terre tendre cède sous mes coups de pioche effrénés. Je dors de moins en moins, je deviens chaque jour plus résistant. Et si, dans cet effort, je ne prends plus le temps de penser à moi, c'est que je n'existe plus en tant qu'être. Je suis juste un corps désormais. Tiendra ce qui tiendra. 10 jours plus tard, je suis fier du travail accompli. Tandis que, allongé dans la terre, je me repose des grandes plages d'éveil laborieux entrecoupées de courtes nuits, je reconnais le léger couinement du vélo de Lila. Je me redresse sur un coude pour apercevoir le visage radieux de celle qui était, qui reste et sera toujours, je le crois et l'espère, à mon goût. Sa main fluette étreint l'anse d'un grand panier d'osier d'où dépassent des poireaux. Son organisme de toute évidence récupère mieux que le mien. À moins que la profondeur de nos précipices n'ait rien de comparable. Quand je suis au fond du trou, je m'arrache les ongles pour tenter d'attaquer les parois dans une escalade désespérée. Lila, elle, se retrouve sur la crête d'un petit saut de biche. Dans sa robe légère, elle court vers moi. « Salut mon Mimi ! Oula, t'as une sale tête, toi !»« Merci. Bonjour ma Lila. Je m'attendais à tout voir rangé dans un ordre impeccable. J'espère au moins que t'as réparé tes vélos. » « Je t'ai préparé une surprise, Lila. »« Ah bon ? Avant, je vais te cuisiner un pot-au-feu qui va te donner quelques couleurs. Tu viens avec moi ?» Je mange avec appétit, je parle avec volubilité, je gesticule. Je vois bien le regard intrigué de Lila. Elle semble ne pas reconnaître l'homme calme qu'elle a laissé quelques jours plus tôt. Le jeûne, l'excitation de l'attente du lendemain, les retrouvailles, tout se ligue pour me donner, une fois n'est pas coutume, l'énergie considérable qu'un dieu distrait a oublié de me prodiguer à ma naissance. Il est grisant de se glisser dans la peau d'un homme qui se contente de se soumettre à son dynamisme, à qui il suffit de choisir dans la palette des sentiments et des actions à donner en pâture à son intensité débordante. Porté par cet élan pour moi inédit, que je sais forcément passager, je prends par la main une Lila intriguée et nous allons sceller nos retrouvailles.